Le journal sud-coréen Kyungjong Simun du 3 courant donne l'éditorial sous le titre « Que Pakune cesse immédiatement le remaniement ministériel, sinon elle est vouée à la destitution ». L'éditorialiste écrit notamment « La Maison Bleue cherche à expliquer la raison de la nomination du nouveau Premier ministre par Pakune, mais en vain. Tous les partis de l'opposition demandent à l'unisson le retrait du remaniement et certains du parti gouvernemental aussi critiquent que c'est le remaniement arbitraire. » Le même jour, le journal Une Nation a donné aussi l'éditorial opposé à la nomination du Premier ministre par Pakune. D'autre part, le porte-parole de l'Association nationale des Coréens aux États-Unis a publié le premier courant le commentaire sous thème « Jugeons au nom du peuple Pakune attaché à la politique de Chaman ».